4. Conjugaison des verbes en ELER, ETER, E accent aigu RER. Appeler. J'appelle l'hôpital. Tu appelles un taxi? Il appelle le médecin. Elle appelle le médecin. On appelle le médecin. Nous appelons Léa. Vous appelez vos parents? Ils appellent des amis. Elles appellent des amis. Acheter. J'achète du beurre. Tu achètes du pain. Il achète des fruits. Elle achète des fruits. On achète des fruits. Nous achetons de l'eau. Vous achetez du coca. Ils achètent du lait. Elles achètent du lait. Préférer. Je préfère sortir. Tu préfères rester. Il préfère dormir. Elle préfère dormir. On préfère dormir. Nous préférons partir. Vous préférez travailler. Il préfère lire. Elle préfère lire.